بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنبدأ اليوم أيها الإخوة رسالة جديدة في المنهج السلفي. On va commencer aujourd'hui un nouvel épître concernant le manhaj. Manhaj Ahl Sunnati wal Jama'a, la voie des gens de la Sunna et du groupe. Qad faraghna min ba'di suwar min al-Qur'an. On a fini plusieurs sourates du Coran. Aujourd'hui, on va faire une petite pause concernant le tafsir. On va aborder donc le sujet du manhaj et ensuite on revient sur le tafsir, inshallah ta'ala. ومعنا اليوم رسالة للإمام الفوزان. Donc, on commence donc un épître de l'imam الفوزان حفظه الله تعالى معالم منهج أهل السنة والجماعة, les signes distinctifs de la voix des gens de la Sunna et du groupe. Il nous dit l'auteur رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد لا شك أن الطريق ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج السليم الذي أمر الله بالسير عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. Et donc il nous dit, il n'y a nul doute quant au fait que la voix des gens de la Sunna et du groupe est la voix es-salim, la voix qui est préservée, celle dont Allah a ordonné de suivre, il a ordonné de suivre cette voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui est descendu sur vous venant de votre Seigneur. Et donc, on comprend de cela, oh chers frères, que on doit suivre ce qui a été descendu sur nous. Et donc, suivre les textes de la révélation, le Coran et la Sunna. Et donc, le Coran, il nous appelle à quoi? Il nous amène à quoi, le Coran? Allah Azza wa Jalla, il dit dans son livre, « Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam » Par celui-ci, par le Coran, par la Sunna, par celui-ci, Allah guide ceux qui suivent les causes de sa satisfaction. Il les guide vers les voies de Es-Salam, Subulus Salam. Les voies de Es-Salam, Es-Salam, c'est Allah Azza wa Jal. Es-Salam fait partie des noms d'Allah. Et donc les voies d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais aussi, es-salam, le fait d'être préservé. Les voies de la préservation. Et donc le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est le manhaj qui est préservé. Préservé de quoi? Salimun min ad-dalali wa shaqawa. Préservé de l'égarement et du malheur. Ya ayyuhal akh al karim, oh cher frère, tu veux le bonheur. Tu veux le bonheur. Tu veux la guider. Suis la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, car c'est la voie contraire à l'égarement et au malheur. Donc c'est la voie du bonheur et de la guider. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Celui qui suit ma guidée, ne s'égarera point et ne sera pas malheureux. Les compagnons, ils nous disent, ne s'égarera point ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Masha'Allah, comme est belle cette voix, la voix de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et comme est important ce sujet. Et donc il nous dit, l'imam Al-Fawzan, rahimahullah, il nous pose une bonne question. Puisque je pense, wallahu a'lam, mon cher frère, tous ici présents, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ce nom, les gens de la Sunna et du groupe. Vous l'avez souvent entendu. Alors le cheikh, il pose une bonne question. Il nous dit, Menhum Ahlus Sunna. Qui sont les gens de la Sunna? Qui sont les gens de la Sunna? Il répond à la question et nous dit, Ahlus Sunnati هم الذين يسيرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens de la Sunna, ce sont les gens qui œuvrent avec la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yasiruna ala Sunna. C'est-à-dire que tout leur déplacement, toute leur vie est basée sur la Sunna. Ils sont accrochés à celle-ci. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils définissent les gens de la Sunna, ils nous disent Summu bis sunnati litamassukihim biha. Ils ont été appelés par la Sunna dû au fait qu'ils sont accrochés à celle-ci. Certaines personnes sont accrochées à certains clubs de foot. Et donc, ils vont s'efforcer d'avoir les maillots de foot. Et ils sont accrochés à ça. D'autres sont accrochés à la Sunna. Ils vont s'efforcer et feront en sorte que la Sunna soit apparente sur eux. Celui qui supporte tel club veut que tel club soit apparent sur lui. Tout le monde voit, lui c'est un supporter de tel club, et lui c'est un supporter de tel club, et lui c'est un supporter de tel club, et lui c'est un sunni. Lui là, il aime la Sunna. Tayyib, il nous dit, wal jama'a hum alladhina yajtami'una 'ala al-haqq wa la yatafarraqun. Al jama'a, ce sont ceux qui s'unissent sur la vérité et ne se divisent pas. Ahl sunnati wal jama'a, ils s'unissent sur la vérité et ne se divisent pas. Et donc ils ne s'unissent pas sur rien du tout. On va pas s'unir sur du n'importe quoi. Si aujourd'hui Abdul Karim il commence à faire n'importe quoi, Abdul Karim commence par exemple, je vous donne un exemple, hein, qu'Allah nous en préserve. Si un jour Abdul Karim commence à fêter Noël, hein, il commence à fêter Noël, vous n'allez pas dire non, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'être uni avec Abdul Karim, hein, c'est pas grave. Non, on doit s'unir sur la vérité. Vous allez répliquer à Abdul Karim. Vous allez dire non, c'est pas permis ce que tu as fait. Allez, kantatouba ila Allah. Tu dois te repentir à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et donc, Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils sont accrochés à la Sunna. Cette Sunna est apparente. Et ils sont unis. Ils ne se divisent pas. Ils sont unis sur la vérité et ne se divisent pas. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام. الله تبارك وتعالى à la fin de سورة الأنعام, à la fin des 10 recommandations, il dit تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il nous dit, Ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Alors suivez-la. Et donc, il est obligatoire de suivre la voie d'Al-Sunna wal-Jama'a. Ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Alors suivez-la. Et ne suivez pas Es-Subul. Ne suivez pas les voies, toute autre voie que celle-ci. Tu veux aller au paradis, mon frère, il n'y a pas 10 000 voies. Il n'y a pas 10 000 voies. Il faut que tu suives la voie de vérité. Fattabi'u. Fattabi'u huwa la tattabi'u subul. Et ne suivez pas les voies. Fatafarraqa bikum. Ça veut dire quoi, fatafarraqa bikum? Les savants du tafsir, ils nous disent fatufarriqukum. Fatufarriqukum an sabilihi. C'est-à-dire que si vous suiviez les autres voies que la voie de vérité, ces autres voies vont vous diviser et vont vous éloigner de sa voie, de la voie d'Allah. Velikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Voilà ce qu'il vous a recommandé afin que vous atteigniez la piété. Tu veux être pieux, tu dois être sur la voie de rectitude. La vérité. La voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il n'y a pas de piété sans Ahl Sunnati wal Jama'a. Il n'y a pas de piété sans la voie de rectitude. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et donc, on doit apprendre quelle est cette voie de rectitude. C'est ce qu'on verra dans ce livre. Quelle est la voie de rectitude? Quelle est la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a? Et tous ces groupes qui ont apparu par la suite ne font que diviser les musulmans. Voilà pourquoi il est important de faire attention à tous ces groupes qui vont diviser les musulmans. Et c'est pour cela que les gens de la sunna, on les appelle Ahl-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la sunna et du groupe de l'union. Et les gens de l'innovation, on les appelle Ahl-Bid'ati wal-Furqa, les gens de l'innovation et de la division. Il continue, il nous dit, l'imam al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, wa huwa siratu alladhi nas'alullaha an yahdiyana lahu wa yuthabbitana alayhi fi kulli salatin nusalliha wa fi kulli rak'atin wa dhalika hina manakra'u surat al-Fatiha. Et donc cette voie de rectitude, cette voie des gens de la sunna, c'est la voie par la, à laquelle on appelle, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, on lui demande de nous guider vers celle-ci et de nous raffermir sur celle-ci. Vous remarquez que le shirk, il a utilisé les deux. Il a dit nous guider et nous raffermir. Pourquoi les deux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait, il disait ihdina sirat al-mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim. Les compagnons, radiallahu anhum, même chose, ils disaient ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie de rectitude. Pourtant, ils y étaient déjà. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est raffermis-nous sur la voie de rectitude. Raffermis-nous sur la voie de rectitude. Et donc, nous demandons tous les jours à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider et de nous raffermir sur cette voie de rectitude. Nous en avons besoin. Ceci dans chacune de nos prières que nous accomplissons. Dans chaque unité de prière que nous accomplissons. Lorsque nous récitons surat al-Fatiha, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie de rectitude, raffermis-nous sur la voie de rectitude, sirat al-ladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes faveurs, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin, pas ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Et donc les gens de la sunna, ils ont été appelés comme tels par le fait qu'ils sont fortement accrochés à la sunna et al-jama'a, par le fait qu'ils accordent une grande importance à l'union, l'union sur la vérité. Et ils interdisent la division. Ils mettent en garde contre la division. Et ils mettent en garde contre les innovations qui vont entraîner la division. Et ils mettent en garde contre les innovateurs qui vont entraîner la division. Et ils mettent en garde contre tous ceux qui divisent la communauté musulmane. À tel point que ceci est devenu un signe distinctif des gens de la Sunna. Et qu'ils ont été appelés par cela. Un signe distinctif des gens de la Sunna, le fait qu'ils accordent l'importance à l'union al-Jama'a. Et ensuite, des gens ne comprennent pas pourquoi on a été obligé de mettre en garde contre des individus qui ont cherché à diviser les gens de la Sunna. On a été obligé. Parce que les gens ne comprennent pas que l'union sur la vérité fait partie des principes de cette voie. Fait partie des principes de cette voie. Et que ceci est la voie de rectitude. As-sirat al-mustaqim. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah. Et il commence à nous expliquer un petit peu la Fatiha. Hein? Quelle est cette voie de rectitude? Quelle est cette voie de rectitude? Il nous dit, فَفِيهَتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْأَمْرُ بِلُزُومِ السِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرْكِ الطُّرُقِ الْمُنْحَرِفَةِ وأن الصراط المستقيم هو الذي بين الله أهله في قوله. Dans ces deux versets, il y a l'ordre de suivre la voie de rectitude et de délaisser les voies de la déviance. Et que la voie de rectitude, c'est la voie dont Allah tabaraka wa ta'ala a montré qui sont ses adeptes. Qui sont les adeptes de la voie de rectitude? Il nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yuti'i Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyina was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ceux qui obéissent à Allah et au messager, alors ceux-là sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux, les martyrs et les pieux. Et comme la compagnie de ceux-là est bonne, mashallah. Et donc, à partir du moment où tu es sur la voie de le sunnati wal jama'a, peu importe ceux qui te regardent bizarrement, peu importe ceux qui ne sont pas contents, parce que toi, tu suis la voie de ces gens-là, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi est-ce que je vais m'attrister parce que les gens me regardent bizarrement? Alhamdulillah. Ils ont choisi le maillot de tel club et moi j'ai choisi la sunna. Pourquoi est-ce que je vais m'attrister? Alhamdulillah. Et donc c'est un grand bienfait venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que le fait d'accorder aux serviteurs l'amour de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces gens-là, les adeptes de cette voie que nous avons citée, quelles sont leurs caractéristiques? Quelles sont leurs caractéristiques à ces gens-là? Ayyu al-ikhwa, ha'ulai jama'ahum wasfan. Ces gens-là, il y a deux caractéristiques qui les réunissent. Al-ilmu wa al-amalu bihi. La science et le fait d'œuvrer avec la science. Les prophètes avaient la science et ils ont œuvré avec celle-ci. C'est la voie de rectitude. Hadha huwa siratul mustaqim. Siratul ilmi wa al-amali bihi. C'est la voie de la science et du fait d'œuvrer avec la science. Ce n'est pas la voie de El Mardoubi alayhim. Ce n'est pas la voie de ceux qui ont couru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'ils ont eu de la science et n'ont pas œuvré avec celle-ci. Et ce n'est pas non plus la voie de Ed-Dallin, les égarés, parce qu'ils ont œuvré sans science. Tu veux connaître la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a? La voici. Et continue l'auteur, rahimahullah, l'imam Al-Fawzan. Et il nous dit, وبينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه Abu Daoud. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ces gens-là. Et nous a décrit cette voie que nous devons suivre. Lorsqu'il nous a dit, certes, il dit à ses compagnons, celui d'entre vous qui aura une longue vie après moi, il verra beaucoup de divergences. Comment on fait? Tu vas dans une mosquée, il y a beaucoup de divergences. Beaucoup. Celui-là, tu regardes, il te dit soufi. Celui-là, tu regardes, il te dit Ikhwan, celui-là te regarde, il te dit Tablir, celui-là te regarde, il te dit Si, celui-là te regarde, il te dit Ça, tu vas où? Tu vas où? Hein? Les convertis, quand ils viennent de se convertir, Mashallah, ils sont contents, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadun Rasulullah. Il passe sa première semaine à la mosquée, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un groupe là, si, c'est, qui est sur la vérité? Tout le monde me dit, je suis sur la vérité. Comment je fais pour savoir El-Hilm? Tu viens de te convertir? Tu veux comprendre? Apprends. Après avoir appris, tu sauras qui est sur la vérité et qui n'est pas sur la vérité. Qui suit le Coran et la Sunna et qui ne suit pas le Coran et la Sunna. Et donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui aura une longue vie après moi, il verra beaucoup de divergences. Ça c'est le problème. Quelle est la solution? Tu es converti, quelle est la solution? Il nous dit, fa'alaykum bi sunnati. Alors accrochez-vous à ma sunna. Ah, ça y est. Tu as trouvé la solution à ce problème. Le prophète, il t'a dit sallallahu alayhi wa sallam de t'accrocher à sa sunna. Ainsi que la sunna de mes califes. Bien guidé, de la sunna des califes, bien guidé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamassakou biha. Accrochez-vous à celle-ci. Accrochez-vous à la sunna. Donc le prophète nous a ordonné de nous accrocher à sa voix. Et donc tu dois t'accrocher à la sunna du prophète. Ne pas la lâcher. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam. وَعَبْدُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Mordez-y à pleines dents. Hein? Lorsque tu veux t'accrocher à quelque chose et que tu ne veux pas que cette chose elle parte, mais tu sens que c'est pas facile, tu t'accroches à tes deux mains et tu vas aussi rajouter tes dents. Mordez-y à pleines dents à cette sunna. Ne prends pas un petit peu par là, un petit peu par-ci, un petit peu, ah ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je... Prends pleinement la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux être sauvé. Wa iyyakum. Attention, là il nous dit, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Wa iyyakum. Et méfiez-vous, délaissez, là un avertissement. Après nous avoir montré la guidée, après nous avoir montré la voie à suivre, il nous met en garde contre un grand danger. Un danger qui contredit cette voie. Un danger qui contredit cette voie. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et méfiez-vous, délaissez les inventions. Les inventions dans la religion. Tu n'as pas parlé du téléphone ou de la voiture ou du réveil. Les inventions dans la religion. فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ. Car toute invention est une innovation. toute invention est une innovation. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Tu veux être sur la voie qui est préservée de tout égarement? Délaisse les innovations. À chaque fois que tu vois un moyen de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un moyen d'adoration, un acte d'adoration, renseigne-toi, est-ce que cet acte est légiféré? Est-ce qu'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna qui montre que cet acte d'adoration est légiféré? Si oui, alhamdoulillah. Sinon, délaisse cela. Voilà la voix de Ahlu Sunnati wal Jama'a. Hadith rapporté par Abu Daoud. Il continue l'imam Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, et il nous dit, Akhbara sallallahu alayhi wa sallam, khabaran ma'anahu at-tahziru, haythu kala, fa'innahu man ya'ish minkum, ba'di fa'sayara akhtilafan kithira, hazzara min al-ikhtilaf, وأمر بالثبات على الحق عند الاختلاف. الله أكبر. الله أكبر. Comme elle est belle cette parole. Elle est belle cette parole de l'imam Al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une information, c'est-à-dire il nous a informé de ce qui va arriver. Mais dans cette information, il y a une mise en garde. Il met en garde, il dit, إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, celui d'entre vous qui a une longue vie après moi, alors il verra beaucoup de divergences. Et donc, ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il met en garde contre la divergence et il ordonne le fait de rester ferme sur la vérité lorsqu'il y a de la divergence. Lorsqu'il y a de la divergence, il faut rester ferme sur la vérité. Lorsqu'il y a des fitnas, nous devons rester fermes sur la vérité. Et donc c'est un mauvais conseil de dire aux gens, lorsqu'il y a une fitna, il faut se taire. Mais non, c'est pas ça qu'il a dit le prophète. Le prophète, il n'a pas dit, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِالسُّكُوتِ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّكُوتِ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّكُوتِ. Le prophète, il n'a pas dit, certes, celui d'entre vous qui a une longue vie après moi verra beaucoup de divergences, alors taisez-vous, alors taisez-vous, alors taisez-vous. Il n'a pas dit ça. Alaykum bi sunnati. Appliquez ma sunna. Appliquez ma sunna. Voilà ce que tu dois faire lorsqu'il y a des fitnas, des troubles, de la divergence. Appliquez la sunna du prophète. Tu dois regarder, la sunna nous appelle à quoi dans telle situation? Qu'est-ce qui est en accord avec la sunna dans telle situation? Voilà ce que tu dois regarder. Et donc, tu dois regarder la voie des pieux prédécesseurs parce que la vérité, elle est dans la voie des pieux prédécesseurs. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, met en garde contre la divergence. Les gens de la sunna mettent en garde contre la divergence. Les gens de la sunna mettent en garde contre tous ceux qui appellent à la divergence. Hein? Parce que des gens, ils pensent que Mohamed Ben Hadi, on a mis en garde contre lui que par rapport au fait qu'il a traité un musulman de fornicateur. Jamais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et donc, non, pas du tout. La voix de Ahlus Sunnati wal Jama'a, la voix de l'union. Lorsqu'il a appelé des méchirs à ne pas s'asseoir ensemble, à rester dans la désunion, dans la division. Regardez leur situation aujourd'hui en Algérie, ceux qui l'ont suivi. Regardez comment ils se tirent dessus maintenant. Et lui, là, il est tranquille maintenant chez lui, il est tranquille. Et donc les gens de la Sunna, ils mettent en garde contre tous ceux qui appellent à la division. Il dit l'imam Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Et donc, vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de rester ferme sur la vérité lorsqu'il y a une divergence, il dit « Wal haqqu innama huwa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Et la vérité, certes, elle n'est que dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Wal muradu biha at-tariqatu التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وكان عليها خلفاؤه. Et ce qui est voulu par la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est la voie qu'il suivait, ainsi que ses califes bien guidés. وكان عليها من أتى بعدهم ممن اقتدى بهم. Et c'est la voie de ceux qui sont venus après eux, parmi tous ceux qui les ont suivis. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les prédécesseurs, les premiers parmi les Muhajiroun et les Ansar, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Radiallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux de lui, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement. Ceci est la réussite grandiose. Tu veux la réussite grandiose? Tu veux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement? Tu veux qu'Allah soit satisfait de toi? Tu n'as pas 10 000 solutions. Tu dois suivre les Muhajiroun et les Ansar. Allah t'a dit, les prédécesseurs, les premiers parmi les Muhajiroun et les Ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Tu n'as pas 10 000 solutions. C'est la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés ainsi. Ils ont été appelés les gens de la Sunna. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Incha'Allahu ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.